J'ai soudoyé un des gorilles pour qu'il me laisse entrer. C'est horrible ici. Sur ma droite, je vois le cadavre d'une femme dans la rue. Tout le monde passe à côté d'elle comme si elle n'existait pas. J'ai aussi remarqué des graffitis sur les murs. Atlas est vivant. J'ignore quel en est le sens, mais je crois que c'est important pour ces gens. Aujourd'hui, on a lancé un raid de l'autre côté du grillage. On a récupéré 31 cartouches de chevrotine, 4 grenades à fragmentation, un fusil et 34 à dents. On a perdu McGee, Amstein et Valette. Mais on a eu une de ces saletés de protecteurs. C'est horrible ce qu'ils ont dû faire pour que cette fillette récupère la dent. Mais ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est Ryan. J'ai hâte de le dire à Atlas. Il sera ravi. J'étais furieuse en venant ici, mais... Oh, mon Dieu, j'imaginais pas... Il y a des hommes armés partout. J'ai vu une femme escalader la clôture pour tenter de s'enfuir. Un des gardes de Ryan a pointé son doigt vers elle et elle a pris feu, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gens ont appris à me faire confiance. Je suis la maîtresse de Ryan, mais ils me reçoivent. J'ai enfin rencontré Atlas. Sans lui, ceux de la place Apollon auraient abandonné le combat. Je lui ai demandé s'il allait exhorter la foule à se révolter contre Ryan. Il a soupiré et m'a répondu « Je ne suis pas un libérateur. Les libérateurs n'existent pas. Ces gens se libéreront eux-mêmes. Et moi qui croyais qu'Andrew Ryan était un grand homme, quel idiote !» Quitte à arnaquer quelqu'un, autant le faire le mieux possible. Atlas est l'une de mes meilleures arnaques. Ryan voulait la mort de Fontaine. Je lui ai donné ce qu'il voulait. Atlas m'a offert un nouveau visage, un casier vierge et un nouveau départ. Maintenant, il est temps de reprendre Rapture. Il sera ravi. Oh, mademoiselle McClintock, que faites-vous donc ici? Attendez, laissez-moi éteindre ça. Pauvres andouilles. Ils viennent à Rapture en croyant qu'ils vont devenir des magnats de l'industrie. Mais ils oublient que quelqu'un doit aussi nettoyer les toilettes. Ils ont tout éclairé d'un jour nouveau. Je leur donne un lit de camp et un bol de soupe. Ils me donnent leur vie. Pourquoi lever une armée alors que j'ai le foyer Fontaine pour les pauvres? Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Papa Souchong! Quand j'en ai eu fini avec la chanteuse, je l'ai laissée telle qu'elle dans la salle de bain. Il y avait une couverture à moitié tricotée sur son lit. Elle était chouette, rouge et noire. Vraiment jolie. Alors je l'ai prise pour que quelqu'un puisse la terminer. Comme ça, elle pourra servir à quelqu'un. Oui, ça me moche de la laisser là-bas, toute seule. Pendant toutes ces années, nous pensions faire progresser la science avec nos cages de Skinner et nos électrochocs. Quelle perte de temps! Avant la dent, on ne pouvait pas plus apprivoiser un enfant qu'un boa constrictor. Fontaine crée des histoires pour que Souchong les imprime dans la tête des enfants. Ce ne sont plus des enfants, mais des jukebox qui jouent les disques que Fontaine a envie d'écouter. Fontaine a déniché un vrai phénomène. Sa voix est reconnaissable entre mille. Elle a les cheveux sales et semble toujours vêtue de la même blouse tachée de moutarde. Mais Franck a tout à fait raison. Cette petite personne est une perle rare. Aucune formation, aucune expérience. Mais présentez-lui une séquence génétique et c'est Mozart qui joue du clavecin. Fontaine est devenue une sorte de croque-mitaine à Rapture. Ce mythe lui donne du pouvoir. Mais si on gratte le vernis et qu'on oublie ses belles paroles, ce n'est qu'un arnaqueur comme les autres. Et comme tous les escrocs, il a peur de se retrouver du mauvais côté. C'est pour ça qu'il a commandé le lot 192, l'antidote au plasmide de contrôle mental. Fontaine m'a conseillé de n'en parler à personne, pas même à Tenenbaum. Et Souchong préfère l'écouter. Test clinique, plasmide protecteur, lot 255, docteur Souchong, client Ryan Industries. Ah, Quelle journée agaçante, je n'arrive pas à lier les protecteurs à ces petites morveuses. Le lien de protection ne se forme pas. C'est... Papa Souchon ! Va-t'en ! Mais si je modifie la séquence génétique, je... Papa Souchon ! Chut ! Où en étais-je ? Papa bon, Souchon ! Alors, Papa Souchon ! Pouvoir... Papa Souchon ! Va-t'en, petite peste ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? N'approche pas ! Non ! Arrière ! C'est ton chien. Il est très joli. Merci, Papa Souchon. Brise-lui le cou pour moi. Quoi ? Brise le cou de ton petit chien. Oh, non, pitié ! Brise le cou de ce petit chien, je te prie. Non ! Non ! C'est très bien. Brise-lui le cou pour moi. Brise le cou de ton petit chien. Brise le cou de ce petit chien, je te prie. C'est très bien. On dirait que les choses ont mal tourné entre Fontaine et sa grande perche allemande. Pourquoi Fontaine perd-il son temps avec cette sinistre totonne, alors qu'il pourrait avoir qui il veut? Franchement, c'est un mystère pour moi. Il a même changé le code de sa porte. 5-7-4-4. Peut-être pour être sûr que la grande perche ne fasse plus irruption dans son jardin. Avertissement. Les crozomes doivent porter en permanence un brassard d'identification. N'oubliez pas, la ségrégation contribue à notre sécurité. Avertissement. Toute réunion publique de plus de 4 personnes est un délit passible de poursuite. Avertissement. Un nouveau couvre-feu sera mis en place dès jeudi. Les citoyens qui le violeront seront transférés vers la place Apollon. L'orphelinat des petites sœurs. Si les choses tournent mal, offrez à votre petite fille la vie qu'elle mérite. L'internat et les cours sont totalement gratuits. Les enfants sont le futur de Rapture, après tout. Allez-vous enfin apprendre à obéir ? J'arrive, petit papillon. Je vais vous apprendre à danser. J'entends vos ailes battre dans ma maison. Lip-la. Venez dans la lumière, petit papillon. Je vois que vous essayez encore vos ailes, petit papillon. Restez et appréciez la danse, si le cœur vous en dit. Mais je ne veux pas vous entendre. Ryan était furieux quand je me suis lancé dans les œuvres de charité. Le foyer Fontaine pour les pauvres. Avant que j'aie le temps de m'en apercevoir, je m'appelais Atlas et je commandais une armée. Ryan est son trésor. Rapture. Il ne sert à rien de construire une ville pour que les gens vous vénèrent. Il suffit de leur faire croire qu'ils ont de la valeur. Cette ville va me manquer. Rapture était comme une confiserie pour quelqu'un comme moi. Des hommes qui pensaient tout savoir. Des femmes qui pensaient tout connaître. J'ai toujours eu l'avantage contre la bêtise. Vous croyez que vous êtes un héros ? Je vous ai commandé à Souchong comme on commande un repas chinois. Un peu de ci, un peu de ça. Vers qui comptez-vous en venir ? Votre fausse famille ? Vos rêves factices ? En abrégeant vos souffrances, je vous ferai le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire. Je n'aime pas ça plus que vous. Mais vous devez comprendre ma situation. J'ai passé 12 années ici. C'est un gros investissement. On n'abandonne pas si vite une si longue histoire. L'idée de lever la main sur vous m'accable. Mais les affaires sont les affaires. Ne vous laissez pas abattre. Ça ne fera plus aucune différence quand cet endroit sera redevenu le royaume des poissons. Cela me peine de vous voir ainsi. J'étais là quand vous êtes né tout de même. Vous n'avez jamais été obligé de faire piquer votre chien ? C'est un crève-cœur. Oh, ça se présente assez mal pour vous. Vous n'avez presque plus rien. Croyez bien que je le regrette, mais je ne peux pas vous laisser traîner dans le coin avec tout un arsenal. Si ça peut vous consoler, sachez que je ne perds pas mon temps à supprimer ceux que je ne considère pas comme une menace. La chair et le sang de Ryan. Pourquoi me donner tout ce mal ? Sinon, le premier robot de sécurité que vous avez croisé vous aurait coupé en deux. Mais pas Ryan. Il s'est arrangé pour que la sécurité reconnaisse sa structure génétique. Avec la moitié de ses gènes, vous n'êtes pas immunisé. mais vous en avez assez pour éviter ces cerbères métalliques. Latent est l'affaire du siècle. Plus d'escroquerie, plus d'arnaque. Le monopole de Latent engendre des profits qui ridiculiseraient ceux des grosses compagnies pétrolières. Il ne reste qu'à trouver une sépulture pour les corps. Mais quand on est déjà à 10 km de profondeur sous l'Atlantique, c'est un énorme avantage. Ça y est, vous êtes fichus. Mes nouveaux amis vous rattraperont bientôt. Oh, j'espère qu'ils en finiront vite. Voilà que vous vous accoquinez avec Tenenbaum, je vois. C'est une vraie mère poule. Tout cela est très amusant, mais allez vous faire piétiner par un protecteur, je vous prie. Quoi ? J'ai dit, allez vous faire piétiner par un protecteur, je vous prie. Ah, je vois que la mère poule a fouiné dans votre cervelle. Si vous ne voulez plus jouer à nos jeux favoris, j'en ai d'autres. Casanova Soleil. En deux mots, je viens de dire à votre cerveau d'envoyer l'ordre à votre cœur de cesser de battre. Oh, pas comme ça d'un coup. Le cœur est un muscle têtu. Mais il a ses limites. Pas si vite. J'ai encore suffisamment d'emprise sur votre cerveau pour vous empêcher d'approcher mon perchoir. Vous avez trouvé le moyen de briser le sortilège. Mais confiez tous vos œufs à Mère Poule. On vous a pourtant déjà trahi, si je ne me trompe. Allez à la pointe Prométhée. Nous en parlerons d'homme à homme. Vous, moi, un sous-marin et encore plus d'Adam que vous ne pouvez imaginer. Pour qui me prenez-vous? Un abruti congénital? Nous avons secoué le perchoir de Mère Poule au moment où elle a décidé d'avoir des remords. Vous ne trouverez rien d'autre ici que ses souvenirs. Et vous pouvez me croire, vous avez tout intérêt à ne pas les connaître. Tenenbaum n'est pas celle que vous croyez. Florence Nightingale. Vos illusions vont s'écrouler avant que vous ayez le temps de comprendre. J'ai tout vu dans ma carrière. Mais quand on survit à Rapture et à Auschwitz, sans la moindre égratignure, il n'y a pas que les lutins qui veillent sur vous. Oui, le composé est stable. Les effets de la suggestion mentale sont dissipés. Mais il y aura certainement des effets secondaires. Trouve la machine à plasmide la plus proche et nous pourrons évaluer les dégâts. Attends un instant. C'est encore cette drogue. Ce n'est pas ce que nous avons vu dans l'appartement de Fontaine. Nous en trouverons aussi dans le laboratoire de Souchon. Ton esprit, nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ces clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps, mais c'est Souchong qui a créé ton esprit et a appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure. Ton esprit, nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ses clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps, mais c'est Souchong qui a créé ton esprit et a appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure. Quand tu ne seras plus sous l'emprise de Fontaine, tu auras ta revanche et nous pourrons l'empêcher de mettre la main sur mes petites protégées. Bienvenue à la maison, mon garçon. Ainsi, tu es revenu. Tu en veux à Fontaine, ya? Maintenant, tu connais la vérité. Il se sert de toi. Il t'a fait revenir à Rapture pour le sauver, lui. Et toi, tant d'innocents, et leur sang est sur tes mains. Je connais cette honte, mais il ne faut plus y penser et unir nos efforts. On dit que sauver une vie, c'est sauver le monde. J'ai créé un endroit pour les enfants ici, mais c'est toi qui es leur sauveur. Alors, vas-tu rester là ou vas-tu les délivrer enfin de cette horrible ville? Pendant que tu dors, je travaille sur toi. Ta psychopathologie, je l'ai inversée en partie. Fontaine n'a plus un contrôle total, mais il a peut-être encore le pouvoir de déclencher des choses très désagréables. Tu as commis beaucoup de péchés, mais peut-être peux-tu racheter tes fautes. Tu as sauvé de nombreuses petites sœurs. J'ai une dette envers toi. Vu l'état dans lequel Fontaine t'a mis, ce serait trop dangereux de modifier tes plasmides. Il va falloir te débrouiller avec ce que tu as. Bien. Maintenant, suis la piste des appartements Mercure. Nous en apprendrons sûrement un peu plus sur ce lot 192. Souchong fait toujours des petits secrets. Son lot 192 doit être dans son laboratoire, près de la place Apollon. Une fois, j'ai volé une dose que j'ai emportée dans mon appartement au premier. Mais ces brutes l'ont sûrement rapportée chez Fontaine, au dernier étage. Je n'ai jamais su à quoi servait le lot 192. Mais si Souchong mijotait quelque chose en secret, c'est ce quelque chose qu'il faudra avoir à l'œil. Je savais qu'il y avait quelque chose. Souchong fait toujours des petits secrets. Son lot 192 doit être dans son laboratoire près de la place Apollon. Une fois, j'ai volé une dose que j'ai emportée dans mon appartement au premier étage. Je n'ai jamais su à quoi elle servait, mais je me suis dit que si ce gredin mijotait quelque chose dans l'ombre, il valait mieux ouvrir l'œil. Bien. Maintenant, tu peux à nouveau utiliser la génothèque. Il est temps d'aller régler son compte à cette ordure. Regarde un peu ma maison, saccagée par Fontaine et ses sbires. Pourquoi ? Va savoir. Je suis sûre que la réponse est dans l'appartement de Souchong. Tu ne vas pas me croire, mais il fut un temps où cet endroit était si beau. Regarde ma maison, saccagée par Fontaine et ses sbires. Il a certainement emporté les échantillons du lot 192 chez lui, dans sa suite luxueuse. L'entrée est dans le hall, mais cette saleté est toujours verrouillée. Tu ne vas pas me croire, mais il fut un temps où cet endroit était si beau. Tu as retrouvé ta liberté. À présent, les drogues de Souchong ne devraient pas avoir d'emprise sur toi. Prends la bathysphère vers la pointe Prométhée. Il est temps de régler cette affaire. Le lot 192 a entièrement réorganisé la structure de tes plasmides. J'aurais dû savoir qu'il te fallait un dosage plus puissant. Tu vas devoir trouver une autre dose pour dissiper totalement les effets. Bien. Maintenant, trouve le laboratoire de Souchong dans les appartements Artemis. Tu y trouveras sûrement plus de lot 192. Regardez ce dépotoir. Il reste rien. Maman Tamembaum a dit qu'il nous aiderait. Il existe un pays appelé Lily Poppy. Et dans ce pays vivent les Lily Pop. Je vais bientôt y aller avec Monsieur P. Et on ira partout où on pourra aller. Et si on trouve pas le Concanopy? Et si on ne voit pas un seul porcini? On mangera peut-être du jambon et des fruits si on ne trouve pas les Lily Pop, oui! Qui sait? C'est à moi! Maman Tamembo m'a dit de pas s'approcher de lui. Il est méchant! C'est celui qui nous a fait du mal. Faut pas s'approcher de lui. Hé! Hey! Pourquoi vous nous aidez? Le voilà! C'est lui qui va nous sauver. Je l'aime bien. C'est lui qui est venu me sauver. Il est venu nous aider. Squatter! Parasite! Sortez de ma maison! You're not gonna take her! You won't have my little girl! Croyez-vous que c'est Ryan qui viendra quand vous aurez touché le pont? Non! C'est Fontaine! C'est Fontaine qui vous tendra une main secourable! On va se régaler, les gars! Ton esprit? Nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ces clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps, mais c'est Souchong qui a créé ton esprit et a appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure. Ton esprit, nous l'avons construit avec beaucoup de serrures et de clés. Fontaine possède la plupart de ces clés, mais pas toutes. J'ai conçu ton corps... Mais c'est Souchong qui a créé ton esprit et a appris à Fontaine à le contrôler. Avec un peu de chance, tu le trouveras chez lui, dans les appartements Mercure.